Robert Baer, extrait de La chute de la CIA. À Paris, nous soupçonnions fortement l'existence d'une base d'espions iraniens située avenue de la Grande Armée. Quand je proposais de creuser un peu la question, les jeunes officiers traitants, dont plusieurs n'avaient jamais mené d'opération sérieuse, me rirent au nez. Ils me répliquèrent en gros « Nous n'avons aucune preuve formelle de l'existence de cette base ». Alors à quoi bon se tracasser ? J'étais abasourdi. L'enjeu en valait pourtant la chandelle. 2 ans plus tôt, Paris avait été le théâtre d'une série d'attentats à la bombe perpétrés par des barbouzes iraniennes qui avaient tué entre autres des diplomates et des officiers de renseignement américains. Scandalisé mais nullement découragé, je réussis à obtenir d'un technicien travaillant pour le gouvernement français qu'il pose une écoute téléphonique sur la ligne de cette base iranienne. Quelques mois de surveillance, et on déciderait s'il y avait lieu de dégainer les lance-flammes. Le passage du technicien PTT au détecteur de mensonges se solda malheureusement par un résultat négatif. Mais quelle importance après tout, s'il travaillait pour les Français, et si ceux-ci nous demandaient un jour des comptes, notre réponse était toute prête. Puisqu'ils n'avaient pas fait leur boulot, surveiller les terroristes iraniens, nous avions bien été obligés d'agir pour notre propre compte. Mon plaidoyer médusa la division Europe, qui me somma de couper illico les ponts avec le technicien en question et d'oublier la base iranienne clandestine. Une autre opportunité encore plus intéressante se présenta peu après. En novembre 1990, nous découvrîmes que la France avait secrètement invité 3 étudiants, membres du réseau d'Abou Nidal, à poursuivre leurs études à Besançon. Le gouvernement français payait tout, études, nourriture, logement, apparemment au motif qu'inviter ces personnages était encore le meilleur moyen de les avoir à l'œil. Quand je proposais de les surveiller, ou au moins de placer leur téléphone sur écoute, on me dévisagea comme si j'étais cinglé. « Le département d'État ne l'autorisera jamais », me répondit-on. Mes collègues du bureau de Paris faisaient certes semblant d'espionner, mais uniquement pour sauver les apparences. Les officiers traitants rencontraient leurs agents et rédigeaient des rapports, mais leurs informations, issues de sources secondaires et d'un intérêt médiocre, étaient souvent déjà éventées. Quelques officiers traitants ratissaient bien les réceptions officielles, mais la plupart du temps, ils se contentaient de nouer des contacts avec telle ou telle personnalité. En coopérant avec les hauts fonctionnaires d'un gouvernement ami, ils ne couraient évidemment pas le moindre risque de se faire mettre dehors. Autre avantage de cette conception débonnaire de l'espionnage, mes collègues étaient rentrés chez eux tous les soirs pour le dîner. Les officiers traitants de Paris passaient donc le plus clair de leur temps bien au chaud dans leur bulle, à explorer consciencieusement l'éventail des activités auxquelles peut s'adonner une bureaucratie sclérosée. Quand ils ne se disputaient pas les logements de fonction, ils assistaient à de prétentieux séminaires de formation ou à des réunions aussi stériles qu'interminables. Et quand ils étaient là des parlottes, ils s'enfermaient dans leur bureau pour rédiger des rapports pompeux et creux. Le week-end était sacré. Le samedi matin, presque tout le personnel de Paris partait en voiture faire ses emplettes à la base américaine de Mons, en Belgique. Et puis, il y avait le problème de la langue. Les officiers d'un certain âge parlaient un bon français, mais ce n'était pas le cas des plus jeunes. Les Français, qu'ils travaillent ou non pour la CIA, détestent perdre du temps avec un étranger qui ne s'est pas donné la peine d'apprendre correctement leur langue. Autre obstacle à la nécessaire immersion de l'officier de renseignement dans la société, le code de comportement assez guindé d'une certaine bourgeoisie parisienne. Nos hôtes n'appréciaient guère le style parka, jeans, Clarks et les soirées Budweiser, cheeseburger. Bref, les officiers traitants de Paris n'étaient pas reçus dans la bonne société. Résultat, ils passaient leur soirée devant la télé. Autre constat, plus la direction des opérations perdait de son influence, plus plus les informations transmises par satellite tendaient à incarner la vérité absolue aux yeux des décideurs. Les fins stratèges de Washington adoraient examiner les splendides tirages noirs et blancs des clichés satellites sur leurs visionneuses 3D et les interpréter à leur guise. Ils pouvaient ainsi non seulement se passer des analystes, mais aussi des agents, ces maudits agents qui faisaient tache dans le tableau. Comment se fier à ce ramassis d'escrocs et de menteurs? Sans parler des fâcheux incidents diplomatiques qu'ils provoquaient si souvent. À mesure qu'un malaise fatal gagnait la CIA, les officiers traitants commencèrent à démissionner en masse, et certains des meilleurs partirent les premiers. À Paris, la belle, l'ensorcelante Paris, le taux de rotation atteignait environ 30%. Convaincus par 1000 signes édifiants que l'espionnage n'était plus un métier sérieux pour gens sérieux, mes collègues préféraient rentrer chez eux et se recycler dans le conseil financier ou toute autre profession respectable et respectée. Encore quelques mois à Paris et j'aurais fini par démissionner moi aussi. Il était temps de me faire muter dans une contrée où la CIA n'avait pas encore perdu ses bonnes vieilles habitudes. J'avais vu lancer les mêmes écrans de fumée chez les gens du siège qui s'occupaient de l'Irak. Sur un total de 35 personnes, on comptait 4 officiers mal notés, autant d'alcooliques, et une dizaine de retraités réembauchés sous contrat. Quant aux autres, ils ne se préoccupaient guère de savoir ce que nous avions comme source sur place. Le Congrès versait à la CIA des millions de dollars pour l'Irak, mais ses largesses ne servaient pas beaucoup à recruter des agents. En revanche, la direction ne mesurait pas ses subsides à certains employés privilégiés. Ainsi, une conseillère américaine en poste à Londres touchait un salaire supérieur à ceux du directeur de la CIA et du président des États-Unis réunis. Elle bénéficiait en permanence d'un billet open en première classe sur les vols transatlantiques et avait loué l'espace de bureau le plus cher de Londres. Au cours d'une inspection, la CIA s'aperçut qu'elle le sous-louait. J'ai calculé qu'elle avait ainsi détourné 1 million de dollars. Et son cas n'était pas unique. J'en connaissais une vingtaine d'autres semblables. Soit dit en passant, la responsable à l'anglais de cette gabegie ahurissante démissionna de la CIA un vendredi pour aller travailler dès le lundi suivant dans la même boîte que la fille de Londres. L'inspection générale des services découvrit alors avec horreur qu'elle avait fait passer 2 autres contrats tout aussi juteux au bénéfice de la société en question, pour laquelle elle travaillait désormais. Mais la CIA estima qu'il serait trop dommageable pour son image d'en référer au ministère de la Justice, et aujourd'hui encore, la conseillère londonienne continue sans problème à pomper l'argent du Congrès. Mais la maison ne laissait pas filer que l'argent. En 1997, les autorités britanniques découvrirent que mon ancien ami irakien, Ahmad Chalabi, louait son appartement londonien au docteur Saad El-Faqi, dissident saoudien et grand ami d'Oussama Ben Laden. Ce dissident avait pour tout programme de renverser la famille régnante en Arabie saoudite et de chasser la Grande-Bretagne et les États-Unis du Proche-Orient. Chalabi avait sans doute de bonnes raisons pour nous tourner le dos. Nous l'avions abandonné au moment où il avait besoin de nous. Mais je trouvais déchirant de voir des gens qui avaient cherché à devenir nos alliés se mettre à faire cause commune avec nos ennemis. Et le Proche-Orient n'était pas la seule région où la CIA semblait avoir jeté l'éponge. En 1996, un de nos chefs de poste en Asie centrale nous proposa un jour de mettre en place des installations destinées à surveiller un site chinois d'essai d'armes nucléaires, à l'Aube Nord. L'endroit choisi par notre correspondant était idéalement situé, au fond d'une vallée qui constituait un corridor où seraient canalisées les ondes et les données électroniques des explosions expérimentales. Au même moment, notre ministère de l'Énergie était informé que les Chinois étaient en train de procéder à des essais de têtes nucléaires miniaturisées. Mais on ne pouvait pas vérifier ces renseignements car les essais étaient réalisés à des puissances inférieures au seuil de nos capacités de réception. Le nouveau site d'observation était censé remédier à cette lacune. « Je suis désolé, mais le NSC a refusé le projet », nous annonça Peggy, la responsable des opérations en Chine. « Ils ne veulent pas prendre le risque d'agacer les Chinois en collectant des informations à partir de l'Asie centrale. » On finit par trouver un compromis, installer sur le toit d'une de nos ambassades un renifleur, lequel, situé beaucoup trop loin de l'aube nord, ne captait absolument rien. Il faut savoir dans quel contexte cette décision fut prise. Un responsable chinois nous avait envoyé par courrier express un document qui semblait être une description par le gouvernement de Pékin du W88, la plus sophistiquée de nos têtes nucléaires miniaturisées. Les Chinois se livraient-ils à des essais sur une imitation du W88? Pour le savoir, il ne nous restait plus qu'à attendre de recevoir un jour une autre carte postale de là-bas. Mais le pire de tout était que la CIA donnait l'impression de ne plus se soucier de ses propres hommes, et en particulier de ceux qui prenaient le plus de risques. Je ne supportais plus Washington, et au printemps 1996, je me portais volontaire pour une mission antiterroriste à Sarajevo. Il s'agissait d'aller évaluer la présence du renseignement iranien en Bosnie. J'avais 6 personnes sous mes ordres, dont un couple qui travaillait dans la même équipe de surveillance. Comme les étrangers se faisaient remarquer en ville, je leur conseillais d'habiter à l'extérieur et de faire en voiture le trajet qui les séparait de leur poste. Au volant d'un véhicule muni de plaques de l'armée, ils ne risquaient pas grand-chose. Mais pendant une semaine, la voiture fut requise pour une autre mission, et on leur donna en échange une petite Volkswagen avec une immatriculation locale. Ils rentraient chez eux un soir quand une voiture leur fit une queue de poisson pour essayer de les envoyer dans le fossé. Ils réagirent comme on leur avait appris à le faire. La femme s'aperçut la première que le conducteur était armé et se mit à crier. Surpris, son mari fit une embardée et réussit à contourner la voiture. Il fut balayé au passage par une rafale d'armes automatiques, et sa femme fut touchée dans le dos. Ils survécurent tous les deux à leurs blessures, mais le plus dur fut la réaction bureaucratique de Washington. « Ils auraient dû abandonner la voiture », décréta la responsable du siège pour la Bosnie. « C'est ce que nous aurions fait en Amérique du Sud. » On croyait rêver. Je savais que cette pantouflarde n'avait passé que 2 ans à accomplir des tâches purement administratives dans un petit poste bien tranquille. Qui plus est, elle ne savait rien sur la Bosnie. Elle ne parlait pas la langue et elle avait même refusé d'aller y faire un tour de reconnaissance. Je lui aurais pardonné si elle n'avait pas proposé de faire passer le couple devant le comité d'évaluation du personnel en forme de remontrance pour ne pas avoir laissé la Volkswagen sur le bord de la route. Allez-vous étonner ensuite qu'un QG peuplé de 6 piètres officiers ait été incapable de localiser l'ambassade de Chine à Belgrade, sur laquelle un missile américain a été lâché par erreur en 1999 ?